Bonjour à toutes et à tous. C'est encore une joie de se retrouver ensemble et surtout de chanter à la gloire de notre Dieu et ensuite de l'écouter aussi. Avant de parler du message, je voulais que nous puissions prier pour un certain nombre de choses. Beaucoup peut-être ne l'ont pas appris. Notre sœur amie a perdu son témoin pendant la semaine. Je crois que l'enterrement a eu lieu à Bobo. Elle a dû se déplacer pour aller. Et il était malade. Il a même été hospitalisé un bon bout de temps à l'hôpital Yalagado. Donc je voudrais que nous pensions à cette famille. Le défunt, c'est le frère Sanou Samuel, il était à Bérégar. Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour sa protection. Sa grâce est infinie pour nous. Souvent, quand quelque chose arrive, on s'inquiète, mais on peut se dire ça pourrait être pire que cela. Je voudrais dire merci à Dieu pour notre petite fille Grâce. Ce matin, elle n'est pas là, et Isaac aussi, parce qu'Isaac est resté à la maison pour probablement s'occuper d'elle. Et avant-hier dans la nuit, on l'avait envoyée d'aller payer de l'huile et elle a pris le vélo d'un ami de Isaac qui était là et puis elle est partie et elle a eu un accident. Un motocycliste l'a renversée, elle a eu un choc au niveau de la tête. Nous disons merci à Dieu parce que vraiment c'était encore la grâce de Dieu. Hier, nous avons été au centre médical. Nous sommes restés pour une perfusion et on doit faire un examen pédiatrique avec elle. Et je dis merci à Dieu parce que nous avons vu vraiment la main de Dieu. À tout moment, qu'elle veut manger, elle vomit et cela nous a beaucoup inquiétés. Mais nous voyons que depuis hier dans la soirée jusqu'à ce matin, elle pouvait manger. Et elle ne rendait pas. Donc nous voulons dire merci à Dieu et demander de continuer à prier aussi pour que Dieu lui donne la santé. Je vous avais également dit que nous devons voyager au Mali, le pasteur Traoré, le pasteur Sino et moi, et aller rencontrer la communauté Dialonké. C'est ce groupe linguistique qui s'étend du Mali au Sénégal. Et je dois quitter ici le 23. Et je reviens le 4 mars. Donc je voudrais aussi confier ce voyage que nous avons et ces rencontres que nous aurons avec la communauté Dialonké. Il y a le missionnaire Steve qui va nous rejoindre à partir de Bamako. Donc nous voulons confier tout cela au Seigneur. Que Dieu soit celui qui nous dirige à travers tout cela, qui nous protège pendant tout ce déplacement-là. Donc je voudrais que on va repartir en deux. Vous qui êtes ici, vous allez prier pour la santé de Grâce et tous les autres qui sont malades. Vous allez également prier pour que Dieu console et soutienne la famille de notre frère qu'il a rappelé à lui, le témoin de mariage de notre sœur Aminata Ouattara, Madame Condé, je vais dire. Donc vous allez prier pour cela. Et à ma gauche, vous allez prier pour ce voyage et tous les autres déplacements. Je sais que dans la semaine, probablement, beaucoup d'autres frères vont se déplacer. Et vous allez ajouter aussi la prière pour que Dieu lui-même étende sa main pour la sécurité du Burkina Faso. Je crois que quand chacun de vous pense un peu à tout ce qui se fait autour de nous, ça fait un peu peur. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main. Et n'oubliez pas, en étant à la maison, de continuer à prier pour cela. Donc, prions pour ces différents sujets. Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci. Te bénissons pour ta bonté. Te louons pour ta grâce. T'exaltons. Te magnifions parce que tu es notre Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta protection. Merci de ce que toi-même tu gardes tes enfants que nous sommes. Et dans les épreuves, tu es là. Tu nous soutiens. Je voudrais te dire merci pour l'éternel Dieu, tout ce que tu fais déjà pour la famille de notre frère que tu as rappelé à toi. un grand soin de, son, de sa veuve, des orphelins, de toute la grande famille, de toute l'Église. Conduis-les. Je te prie également, Seigneur, pour grâce, tant ta mère, à travers elle, je prie aussi pour tous les malades, manifeste ta grâce. Merci infiniment pour ce voyage. Merci de ce que tu vas nous accompagner. Merci de ce que tu vas conduire toutes choses. Je te bénis, je te loue. Gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Ce matin, j'ai voulu faire un partage. Comme nous avons une assemblée générale, j'ai intitulé ce partage « Le don de soi pour le succès ». Le don de soi pour le succès. Si on ne se donne pas, on ne peut pas avoir de bons résultats. Et nous allons voir un texte qui se trouve dans dans Marc au chapitre 2. Nous allons voir les 12 premiers versets. Ce texte peut nous aider à comprendre ce que cela veut dire faire un travail collectif. Des efforts faits ensemble pour aboutir à un résultat concret. Ce texte, lorsque nous regardons le livre de, disons, les évangiles, nous voyons qu'il y a la même histoire qui est racontée dans Luc, par le médecin Luc. Là, c'est au chapitre 5, des versets 17 à 26. Et Matthieu également relate la même histoire dans Matthieu 9, du verset 1 au verset 8. Ce sont des gens qui ont vécu, qui ont suivi Jésus, et souvent, pour ceux qui ont vécu avec Jésus, nous voyons que lorsqu'ils racontent cela, c'est pas la même chose. Parce que, vous voyez, lorsque vous avez plus d'une personne qui doit raconter une histoire, vous verrez des différences. Parce que certains vont appuyer sur des aspects sur lesquels les autres n'auront pas, disons, appuyé. Donc, j'ai décidé de prendre Marc, ce qui a été relaté par l'évangéliste, l'évangéliste Marc, pour pouvoir réellement, parce que c'est là que j'ai trouvé ce dont j'avais vraiment besoin. Pas que les autres n'ont pas dit beaucoup de choses, mais chacun choisit, comme je l'ai dit, où il veut mettre l'accent. Donc cette partie dans le livre de Marc se trouve dans le premier ministère du Seigneur Jésus en Galilée. Quand on lit l'évangile, c'est comme il a eu à faire deux fois. Et cette petite portion concerne les controverses même qui se sont déroulées pendant son ministère. Lorsque nous lisons les évangiles et nous voyons le ministère de Jésus, nous remarquons qu'il y a beaucoup de difficultés. Il avait rencontré beaucoup de difficultés avec ses pharisiens, ses scribes, c'est-à-dire le monde intellectuel ou même religieux de l'époque. Il a eu beaucoup de discussions, des gens se plaignaient de lui, des gens étaient opposés à lui. Et ce petit passage va nous révéler certaines choses. Et à travers ce passage également, nous comprenons qu'il montre qui il est, son autorité. Et quand nous prenons ce que Marc dit, nous voyons qu'à ce moment, il n'avait pas encore tous ses disciples, il ne les avait pas encore tous appelés à lui. Donc, c'était une manière pour le Seigneur de montrer son identité à cette foule qui était avec lui à ce moment-là. Donc, si vous l'avez, je vais demander à quelqu'un de le lire dans la français, dans la version que le pasteur aime, français courant. Marc 2, 1 à 12. 1 à 12, voilà. Quelques jours plus tard, le lieu revint à Capernaum et l'on apprit qu'il était à la maison. Une foule de gens s'assembla, si bien qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donna son enseignement. Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé porté par quatre d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. J'ouvris alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le tour qu'il savait faire, il descendit le paralysé étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ses hommes, il dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? » Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés ? Dieu seul le peut. Jésus devina aussitôt ce qu'il pensait et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées ? Est-il plus facile de dire aux paralysés, les péchés sont pardonnés, ou de dire leur foi quand t'en as et marche ? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Alors, il adressa ces mots aux paralysés. Je te le dis, lève toi quand t'en as et rentre chez toi. Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Voici une histoire. Et je crois que à travers ce petit passage, nous pouvons faire quelques remarques. On nous dit que Jésus était à la maison. Bon, je crois que si on devait parler de sa maison, sa première maison, c'est Nazareth, c'est son village, n'est-ce pas? Bon, ici, selon les commentateurs, c'est probablement chez Simon. Si nous lisons, nous voyons qu'il n'a pas posséder un lieu où on dit, voilà, c'est sa maison aussi. Mais ici, il est dit, lorsque les gens ont su qu'il était là, ils sont venus dans ce lieu-là pour écouter les enseignements de Jésus. Et pour ceux qui l'avaient déjà vu ou qui avaient déjà entendu Jésus, beaucoup savaient qu'ils pouvaient recevoir la guérison. Et en partant du verset 3, je voudrais attirer notre attention sur quelque chose d'important. Et la version de Moumouni est assez intéressante. Je voulais qu'il reprenne le verset 3. Quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé, porté par quatre d'entre eux. Ok, quelques hommes arrivèrent avec un paralysé, porté par quatre d'entre eux. Est-ce qu'ils étaient quatre seulement? C'est ma question que je vous pose. Étaient-ils quatre seulement? Non. Ils étaient plus de quatre. Dans la version Luc 2, quand vous lisez, qu'est-ce qu'on dit? Dans la version Luc 2, il est dit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Des gens. Ça veut dire que, et c'est sur ces gens que je voudrais réellement mettre l'accent ce matin. On ne dit pas quelle est leur relation avec cet homme paralysé? C'est un silence total. Mais ce que nous savons, c'est que ces gens, en amenant cet homme à Jésus, visaient quelque chose, n'est-ce pas? Je vous ai dit, les gens allaient à Jésus pour écouter ses enseignements. C'est ce que les premiers versets nous disent. D'autres allaient à lui pour recevoir la guérison. Ceux qui étaient malades amenaient leurs malades à Jésus pour recevoir la guérison. Et il est dit, des gens sont allés à lui avec un homme paralysé, porté par quatre d'entre eux. Je crois que ces gens devaient d'abord se déplacer du lieu où ils étaient avec cet homme pour l'amener jusqu'au lieu où était Jésus. Je crois que nous tous, nous savons que ça, ce sont des efforts, n'est-ce pas? Il fallait des efforts. Ils allaient tous pour un but. Je dirais, le malade lui-même, c'est vrai qu'il y a des cas où on peut amener un malade contre son gré. Ça peut arriver, non? On a déjà vu cela. On l'amène, il dit qu'il ne part pas. On dit non, on l'amène. Mais vu que ce n'est pas un enfant, moi je me dis que ça voudrait dire que lui aussi voulait bien y aller. Donc le malade lui-même. Ensuite, ceux qui, je peux dire, qui jouaient un très grand rôle, ce sont ces quatre hommes qui le portaient, en plus des autres aussi, qui étaient avec eux. Donc nous voyons des gens qui ont un but et qu'ils vivent ce but-là. Leur désir, c'est de voir, si on va jusqu'au bout de leur raisonnement, leur désir, c'est voir cet homme guéri, n'est-ce pas? Parce que ils ont dû entendre que Jésus est celui-là qui guérissait les malades. En suivant le cheminement et en regardant à tout ce que ces hommes font, je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer comme leçon. Il a fallu un travail d'abord collégial. Je ne pense pas que des gens vont décider, disons, d'aller quelque part sans s'être convenus. Probablement, ils ont dû discuter entre eux. Et finalement, ils se sont entendus et ils ont dit, allons-y avec le malade. Arrivé, qu'est-ce que nous remarquons dans notre texte? Notre texte nous dit qu'ils ont rencontré un obstacle, n'est-ce pas? Cet obstacle, c'était lequel? C'était la foule qui obstruait l'entrée de la maison. Ils avaient le désir d'amener cet homme devant Jésus parce qu'ils avaient cette assurance qu'une fois devant Jésus, il allait avoir la guérison. Mais voyez, ils ont déjà fait des efforts, quitté chez eux, que des hommes, quatre, portent le malade, qu'on l'amène jusqu'au lieu où se trouve Jésus, et voilà, il y a une obstruction. Ça peut empêcher des gens, quand vous êtes devant un obstacle, de vous arrêter et de dire, bon, c'est mieux de le porter, ou c'est mieux peut-être d'attendre jusqu'à ce que Jésus sorte. Et j'allais poser une question. Ces gens qui obstruaient la porte, moi je vous pose la question. Pourquoi n'ont-ils pas permis que cet homme rentre? Il y a des raisons. On peut penser à certaines raisons. Oui? Parce que c'est l'obstacle. Quelqu'un voit une. Oui, docteur? Peut-être que chacun est venu pour sa porte propre, lui qui va céder. Ah! Lui, il parle à médecin. Quand vous arrivez devant leur cabinet là, si par malheur vous rentrez parce que vous le connaissez, si vous regardez la face des autres malades, certains même vous disent, toi tu crois à quoi? On vous a jamais dit cela? Nous sommes venus avant toi. Ça veut dire qu'il faut suivre le rang. Si c'est un malade, si sauf que c'est un malade qui est venu en consultation et qui n'a pas suivi et on n'a pas expliqué, les gens vont commencer à se plaindre. La raison, chacun est venu pour sa propre cause, chacun veut sa santé, c'est ça? Et personne n'est prêt à céder. Ça, c'est une raison, ça tient. Bon, une autre raison, je peux dire peut-être que oui. Sûrement d'autres diront que ce n'est ni le moment ni le lieu. Ce n'est ni le moment ni le lieu. Oui? Je pense que c'est peut-être parce que la foule ne connaissait pas aussi ceux qui. Peut-être que c'était des étrangers qui venaient. Donc, les regards, ils savent que. Oui. Oui, une dernière raison. Vous avez dit peut-être que ces gens, ils n'ont pas assez de compassion. Mais je crois que quand on parle de gens qui, quelqu'un a chaud, vous avez votre mal. Si un autre vient, quand vous regardez que ça dépasse les limites, qu'est-ce que vous faites? Hein? Hier, quand j'étais au centre médical, il y a une dame qui a fait un accident aussi. Elle est arrivée avec des cheveux bien tressés et tout ça. Et après l'accident, je crois qu'il y a eu une déchirure sur la tête. Et les infirmiers étaient vraiment beaucoup occupés autour d'elle. Et ils étaient en train de déchirer de raser. Bon, vous voyez, quand c'est tressé avec ces mèches-là, ça fait mal, non? Elle criait beaucoup. Et puis, il y a un qui a dit que, mais tu veux qu'on te soigne comment? Bon, et ayant déjà vu comment on soigne ces gens-là, je suis convaincu qu'on va piquer et coudre ce truc, disons, tout ce qui est là. Mais il faut qu'on rase d'abord. Et puis, nous sommes arrivés. Moi, je voulais qu'on enlève on enlève l'aiguille et autres. Il m'a dit, bon, nous sommes devant un cas d'urgence, donc vous pouvez patienter. Bon, je sais, quand je regarde, je vois que cette dame est dans le besoin plus que nous. Parce que nous, c'est simplement qu'on vienne arracher et puis nous, on va partir. Bon, et puis elle, elle saignait beaucoup, il fallait qu'on s'occupe d'elle. Vous voyez? Donc, par compassion ou par compréhension, on peut regarder et laisser passer celui-là qui est venu. Mais voilà, ce n'était pas le cas. Donc, ces gens pouvaient s'arrêter là, bloqués par cet obstacle. Mais en lisant notre texte, nous voyons qu'ils ne se sont pas limités à cela. Ils sont allés plus loin. C'est sûr qu'ils ont dit, mais il faut qu'on trouve une issue pour amener cet homme à Jésus. Et quelle était l'issue? Quelle était la solution qu'il fallait faire? Ils ont proposé de passer par le toit. En lisant les différentes versions, certaines versions disent qu'ils sont montés et l'ont fait descendre par le toit sans dire quelque chose. Mais dans certaines versions, on dit qu'ils ont... C'est comme s'ils ont enlevé. Bon, je pense aussi que vous ne pouvez pas toucher à la maison de quelqu'un comme ça facilement. La personne va vous dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Même si c'est par le toit, s'il y avait, une ouverture qui était là, on ne monte pas sur le toit de quelqu'un comme ça facilement. Sans que vous nous demandez son autorisation et autres, il faut parler. Ou bien, quelqu'un débouche, il monte sur votre toit, vous entendez, il marche, vous allez dire, mais c'est qui? C'est pas cela? Voilà. Donc, ces gens ont dû faire beaucoup d'efforts, je crois. Et tout le monde sait que quand on marche avec quelqu'un sur un terrain plat, c'est plus facile que si on monte avec lui. Donc, vous imaginez encore, il fallait encore plus d'efforts et encore des risques. Parce qu'en montant, vous pouvez tomber, ou bien. Donc, quand on regarde, on voit que ces gens ont réellement persévéré. Ils ont pris des risques et ils ne se sont pas laissés, bloqués par les obstacles jusqu'à ce qu'ils soient sur le toit. Et encore, pour faire descendre cet homme, notre texte ne dit pas qu'ils l'ont fait jeter devant Jésus, non. Probablement, ils ont dû utiliser ce qui pouvait être bien, c'est-à-dire des cordes et autres, pour le faire descendre jusque devant Jésus. Ça demande encore de l'effort, non? Regardez un peu. Quand on regarde à tout cela, je crois que ces gens, ils ont dû s'entendre, se parler, collaborer du début jusqu'à ce qu'ils descendent cet homme devant Jésus. Le verset 5, c'est l'appréciation et la conclusion que Jésus tire. Dans ma version, en 8 secondes, il est dit ici, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique. Il ne s'est pas adressé, c'est pas le paralytique qu'il a regardé d'abord, mais il a regardé à quoi? À la foi de ceux qui... Et je crois que voir leur foi, vous ne pouvez pas parler de leur foi en mettant de côté tous les efforts qu'ils ont faits. Ça fait partie, n'est-ce pas? Ce sont des actes. Ce sont des actes. Jésus a vu tous les efforts que ces gens ont faits. Et sur cette base, il a dit quelque chose. Et je crois que la première chose que Jésus a dite était au-delà de ce qu'ils demandaient. Qu'est-ce qu'ils voulaient, ces gens-là? En venant, ils venaient, pourquoi? C'est pour la guérison, laquelle? Parce que je crois qu'il y a deux aspects. C'est la guérison physique de cet homme. C'est ça. Et tous, ils ne regardaient qu'à cela. Mais regardez, Jésus va au-delà de ça. Ce qu'il lui a donné là, c'est quoi? Hein? Le pardon de ses péchés. Parce que il va guérir, c'est sûr. Mais même guérir, s'il n'a pas eu le pardon de ses péchés, est-ce que ça a un sens? Il n'a pas le salut, n'est-ce pas? Si c'est physique seulement, on se limite là, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont manquer. Et si on nous dit de choisir entre cette guérison physique et puis le pardon de ses péchés, moi je crois que tout le monde voit que le plus important c'est lequel? C'est le pardon de ses péchés. Parce que nous voulions ou pas, il va guérir de cette maladie, mais ensuite il mourra. Ça c'est clair. Et est-ce qu'il serait intéressant pour lui d'être guéri et de ne pas être sauvé? Jésus donc lui donne quelque chose auquel eux ne s'attendaient pas. Il dit, mon fils, dans la version que nous avons entendue, tes péchés te sont pardonnés. Donc déjà, ça c'est quelque chose de très important. Et voilà, il se rend compte qu'à côté, il y avait des scribes qui avaient d'autres pensées, qui murmuraient, qui se plaignaient. Qui peut faire cela? Ils savaient, eux, à travers leur connaissance de leur Dieu, en tant que juifs, tout ce qu'ils savaient, c'était que celui qui pouvait pardonner les péchés, c'était qui? Dieu. Et comment cet homme peut blasphémer? Ils ont dit, c'est un blasphème. C'est une insulte à Dieu. Il peut... Mais, voyez, notre texte nous dit, c'est ce qu'ils pensaient. Ils n'ont pas parlé. Si vous prenez d'autres versions, d'autres, disons, vous allez dans Matthieu, et il dit qu'il murmurait. Bon, je crois murmurer, ça c'est plus visible que des gens qui pensaient, n'est-ce pas? Quand quelqu'un pense, est-ce que vous savez ce qu'il pense? Vous savez ce que la personne pense? Non. Si c'est murmurer, oui. Si vous voyez des gens qui murmurent, bon, soit vous voyez, vous pouvez voir à travers leurs lèvres, vous entendez le bruit. Et puis, s'ils murmurent, ça veut dire qu'ils sont probablement opposés. Il y a quelque chose pour lequel ils ne sont pas d'accord. Mais ici, les gens pensaient. Et il est dit que Jésus, sachant ce qu'il pensait. Vous voyez, ça montre encore une partie importante de qui est Jésus-là. Quand bien même on le considère, déjà, ceux qui pensaient trouvaient qu'il n'était qu'un simple homme qui blasphémait. Et c'est là, il leur dit ouvertement ce qu'il pense. Et voyez, il leur pose maintenant deux choses devant eux, en leur demandant lequel est plus facile de dire. Il n'a pas dit de faire, de dire. Parler, est-ce que parler c'est difficile? Non. Il leur demande lequel est plus facile de dire. Tes péchés te sont pardonnés, ou bien, prends ton lit, lève-toi, va. Et il continue son raisonnement, afin que vous sachiez que moi, j'ai le pouvoir sur tout cela. Alors il dit au monsieur, c'est ce que ceux qui sont venus jusqu'à lui avec cet homme attendaient. C'était quoi? La guérison. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit, va. Et il s'est levé. Et le dernier verset nous rappelle, nous explique un peu. C'est comme un résumé de tout ce qui se passait autour. Les gens ont dit, ah, c'est la première fois qu'on voit quelque chose de ce genre-là. Et ils vont dire, qui est cet homme? Et il est dit qu'il commençait à louer Dieu. Mais ce résultat ne pouvait pas être atteint si ces gens n'avaient pas eu le même objectif, c'est-à-dire n'avaient pas eu le même désir, c'est-à-dire la guérison de cet homme-là. Quand nous regardons, apparemment, cet homme n'a rien fait. Dans certains cas de guérison, Jésus regarde à la foi du malade et puis lui dit, bon, ta foi t'a sauvé, ou à cause de ta foi, voilà. Mais ici, Jésus a regardé à la foi de ceux qui sont venus avec cet homme. Et pour qu'ils puissent atteindre ce résultat, ces gens ont dû avoir assez d'eux une bonne collaboration. Ça, c'est un. Ils ont bien collaboré ensemble. Deuxièmement, ils ont persévéré. Ils ont été assez endurants. Donc, vous voyez, tout cela pour qu'à la fin, ils aient ce résultat. Leur persévérance, leur endurance et leur assurance, parce que c'est ce que Hébreu nous dit, c'est parce qu'ils avaient cette assurance que quand cet homme sera devant Jésus, il va être guéri. Quand bien même ce n'était pas encore fait. Et c'est ça qui a fait qu'aucune tempête n'a pu les arrêter à le faire. Ce n'était pas une personne, ce n'était pas les quatre seulement, c'est les quatre qu'on montre à la fin, qui montent sur le toit, mais derrière eux, il y avait tout ces autres personnes qui sont comme des anonymes parce qu'on ne les cite pas. Je crois que si cet homme peut-être était marié, probablement il avait son épouse, des enfants et autres. Donc ça veut dire qu'il avait des parents, il avait des amis. Voilà des gens qui voulaient que cet homme guérisse. Et par cet effort collectif, cet homme s'est levé. Il a pris son lit, il a pris sa nappe et puis il est parti. Et je crois que lui-même, c'est quelque chose aussi auquel il, quelque chose qu'il ne doit pas oublier. Quelqu'un qui ne pouvait pas se lever, qui était couché, voilà, tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux faire ton travail. Je crois que c'était important. Mais ce que je voulais que nous sachions ce matin, c'est cet aspect de la collaboration et surtout de la persévérance, de l'endurance lorsque nous voulons faire quelque chose et d'avoir le même désir, le même objectif de le viser. Si ces gens avaient des objectifs différents, ils n'allaient pas s'entendre pour pouvoir faire tous ces efforts et que cet homme ait la guérison. Non, ça n'allait pas arriver. Nous travaillons, je crois que ce qu'ils ont fait, ils sont allés vers Jésus. Nous sommes dans le champ du maître, n'est-ce pas? Et ce champ, nous avons différentes tâches à accomplir. À travers l'Assemblée Générale, le programme que nous avons regardé, on voit qu'il y a beaucoup de départements, n'est-ce pas? Il y a peut-être des gens qui se trouvent dans différents départements, mais les départements ne sont pas les mêmes et ne font pas les mêmes choses. N'est-ce pas? Ce travail, nous sommes engagés et je voudrais que nous nous rappelons que nous sommes comme ces gens qui ont accompagné ce malade. Nous visons quelque chose, nous avons un objectif commun. Quel est notre objectif commun en tant que communauté? Nous voulons qu'il y ait beaucoup d'âmes sauvées. C'est pas cela? Tout ce que nous faisons, mettez-les ensemble. Regardez à tous les aspects de tout ce que nous faisons. Notre désir, c'est que des gens qui ne connaissent pas Christ puissent un jour le connaître et qu'ils se joignent à nous aussi dans la bergerie. C'est ça? Ce n'est pas l'évangélisation seulement qui fait ça. Et lorsqu'on sort pour faire l'évangélisation, on dit quoi? Que le groupe musical n'a qu'à venir chanter. Pourquoi faire? Pour... Hein? Quand ils viennent dans une campagne d'évangélisation et puis ils chantent, c'est pourquoi faire? Oui, Ali? Voilà, parce qu'il faut du bruit, quelque chose qui attire les gens, qu'ils viennent pour écouter le message. Et même le chant lui-même peut être un simple un message pour certains. Ou bien, des gens sont assis, ils entendent chanter, et ce chant les pousse. Ils se disent, mais ça c'est quoi? Quelqu'un ne vous a jamais dit qu'il est venu à Christ à cause des chants? Vous n'en connaissez pas? Oui, certains viennent, comme cet homme paralytique, cet homme paralysé, guéri, il reste, comme certains aussi, ils entendent chanter et c'est le chant qui leur plaît, ils viennent à Christ. Donc, ces gens qui chantent, ils ont leur part dedans. Mais je vous pose la question, ils ont fait leur part, ils ont chanté. Mais pendant qu'ils chantaient, si on leur dit qu'il y aura 20 ou 15 personnes qui vont venir à cause du chant, est-ce qu'ils peuvent dire oui? Non, ils savent une chose, pour qu'ils chantent et que ça puisse être un chant qui touche les gens, il faut s'entraîner. Là, c'est en train de jouer cette guitare-là. Donner, attraper quelqu'un. Philippe ou bien attraper François derrière. Donnez-lui et puis tu joues la guitare-là. Il pourra? François Minasséa. Ah! Il pourra pas parce qu'il n'a pas appris. C'est pas ça? Ou bien docteur? Docteur voit, il veut bien, mais s'il n'apprend pas, il ne peut pas jouer. Donc, demandez-lui comment ses doigts ont fait mal. Ceux qui apprennent à jouer à la guitare-là. Les fils-là, ça fait mal aux doigts. Et jusqu'à un certain moment, ça devient calleux. Et souvent même, on utilise la lampe pour couper. Quand on joue tout le temps, ça fait comme ça. C'est ça, c'est l'effort qu'il faut faire. Ou bien, Winnie, tu as appris à jouer ça là un seul jour? Non. Ah. Des mois sont arrivés où tu t'es découragé, non? Ok, ça fait mal aux doigts, lui, il dit. Mais ça ne fait pas, ça fait pas aussi difficile que celui qui tape ici, là. Vous n'avez jamais eu pitié de lui? Surtout lorsque c'est Kassa qui dirige. Bon, je suis le pasteur, je ne peux pas parler. Mais des fois, j'ai envie de dire, mais Kassa, toi aussi. Regarde le type, je suis à grosse coude. Mettez-vous à la place. C'est comme si vous cultivez, hein, ceux qui ont déjà cultivé là. Vraiment, mettez-vous à la place. Oubliez quelquefois, jetez un coup d'œil pour voir celui qui joue ici. ses pieds agissent, ses mains agissent, il suit à grosses gouttes. Où est Mathieu? Demandez-leur. Lui, il est là. Ils sont fatigués, parce que si c'est à la suite, mais demandez-leur, sont des efforts. S'ils arrivent à tenir jusqu'au bout, si c'était moi, je suis sûr que j'allais m'arrêter pour faire comprendre au monsieur que ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, mais il faut apprendre et ça demande des efforts. Donc chacun dans son domaine fait des efforts, n'est-ce pas? Et tant que vous n'allez pas être persévérant jusqu'au bout, ça ne va pas donner. C'est pour cette raison que je voudrais nous encourager tous. Parce que ce travail que nous faisons, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour le comité, ce n'est pas pour une partie. Non, ce travail, c'est pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul a bien dit cela. Je voudrais terminer par ce que l'apôtre Paul a dit aux Colossiens. Colossiens 3, nous allons lire quelques versets. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. À partir du verset 23. Colossiens 3, 23. Voilà ce qu'il dit. Tout ce que vous faites, qu'est-ce qu'il dit de faire? Faites-le de bon cœur pour vous-même. Il dit comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Si quelque chose n'est pas fait de bon cœur, est-ce que ça peut être bien fait? Ça peut être bien fait quand on ne fait pas quelque chose de bon cœur. Vous avez déjà été puni, non? Dans une punition, quand on vous punit, on vous dit de faire quelque chose. Ça se fait de bon cœur? Hein? Souvent, on fait en murmurant. Hein? C'est moi. Il ne m'aime pas, c'est pourquoi il me fait faire ça. Si c'est, voilà l'autre a fait la dernière fois, il n'a rien dit. Hein? Ma petite soeur a fait la dernière fois, maman n'a rien dit. Comme c'est moi, et comme elle ne m'aime pas, c'est ça, il me fait faire. Voilà, on le fait en murmurant. On ne peut pas bien faire. Elle revient et regarde, elle dit, mais tu n'as pas bien balayé, reprends là-bas. Ah, si c'est fait de mauvais cœur, ça ne va pas être bien. L'apôtre Paul dit, tout ce que vous faites, il n'a pas précisé même de quoi il s'agit, tout. Voilà, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et il continue, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. On le fait de bon cœur, on le fait pour le Seigneur à cause de ce qui est devant nous. Voilà pourquoi chacun, selon le don que Dieu lui a fait, doit s'engager à faire cette œuvre-là. S'il vous a donné une voix formidable pour chanter, chantez de tout votre cœur et chantez cela pour le Seigneur. S'il vous a donné d'être un bon gérant, impliquez-vous et aidez les gens à bien gérer. N'est-ce pas? S'il vous a donné de bien jouer un instrument, jouez-le bien. Il vous a donné la facilité de contacter les gens. Ça, c'est encore un avantage pour que vous puissiez parler de Jésus aux gens. Dans cette maison, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de deux langues qui parlent. N'est-ce pas? Hein? C'est pas vrai? Levez les mains là, ceux qui parlent plus de deux langues. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela comme un avantage? Je vous pose la question. Vous avez déjà pensé à cela comme un avantage? Si, c'est un avantage pour pouvoir prêcher l'évangile, parler, partager la bonne nouvelle. Si vous ne parlez qu'une seule langue, c'est difficile de pouvoir communiquer. Quand nous allons à s'appui, ceux qui n'ont pas le moré, ils sont un peu bloqués, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas le nouni. Mais tous ces gens qu'ils doivent contacter n'ont pas le français. Bon, ils ont souvent le moré. Si vous n'avez pas le moré, comment vous allez parler avec eux? Donc, si on parle déjà plus d'une langue, on a un avantage. Ça veut dire, vous avez un don formidable qu'il faut exploiter. Personne ne peut avoir plus d'une langue et puis s'asseoir, considérer que, bon, je comprends ces langues-là. Point, c'est tout. Au début, c'est ce que j'avais pensé aussi, jusqu'à ce que je sois convaincu. Non, si tu parles six langues, c'est parce que Dieu veut que tu puisses les utiliser pour faire quelque chose. Et c'est ça qui m'a conduit dans la traduction et dans le ministère. Dieu veut que nous puissions faire cette œuvre de façon collégiale. Et je vous encourage tous, en tant que membre individuel, parce que c'est de façon individuelle d'abord que vous prenez la décision et vous vous joignez aux autres pour que nous soyons une collectivité. Nous devons le faire. Et le faire de bon cœur. Jacob était chez moi hier, quand Justin m'a appelé, n'est-ce pas? Il a parlé avec moi combien de minutes? C'est pas beaucoup? Et la première chose que Justin m'a dit, il m'a dit: bonjour pasteur, je voulais dire, avoir de vos nouvelles et vous dire que vraiment, tout ce que vous avez dit, c'est dans ça qu'on tombe toujours. Je suis arrivé, on m'a attrapé, on m'a dit: occupe-toi de l'école le dimanche. Et pendant que, bon, j'étais en train de le voir, voilà, il est dans un lycée. Il a remplacé un collègue dans un lycée, un grand lycée, à Ouakara. Il dit, pendant que j'étais en train de penser à ça, je dis: bon, il n'y a pas de problème, ça, bon, j'ai déjà fait, je me connais. Voilà, les GBC viennent me dire que, ah, tonton, nous allons te prendre comme l'ami du GB. Nous avons besoin d'un encadreur. Il faut que vous nous encadrez. Et il dit que, ah, que je n'ai jamais fait ça. Mais bon, pasteur, par la grâce de Dieu, je vais m'engager. Donc, continuez à prier pour moi. Ce n'est pas arrivé. C'est pourquoi il ne faut pas s'asseoir et dire que je ne fais rien. Il me dit que si, il conclut, que si vraiment je n'avais pas écouté les conseils, c'est la honte vraiment. Le professeur de français qui enseigne de la 6e jusqu'en terminale, s'il ne peut pas jouer ce rôle-là avec des GBCiens, ce n'est pas une honte. C'est le fils d'un pasteur, hein. C'est un fils de pasteur. Demandez-lui, avant qu'il vienne à Ouaga, si on lui demande est-ce que ça l'intéressait. L'église ne l'intéressait pas comme ça. Mais vous avez vu, Dieu a permis que ce monsieur il comprenne. Et aujourd'hui, le voilà devant la réalité. Et c'est ça qui fait que chacun doit faire tout de bon cœur. Sinon, quand vous regardez, il y avait combien d'enfants ici? Est-ce qu'ils sont nombreux? Mais les moniteurs, ils se sont préparés. Donc, je voudrais nous encourager que tout ce que nous faisons, on le fasse de bon cœur comme pour le Seigneur, parce que c'est utile. Je sais qu'il a beaucoup d'enfants là-bas. Ça n'a rien à voir avec la poignée d'enfants qui sont ici. Je connais la localité et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants à l'école le dimanche. Donc voyez, je vous encourage tous à nous engager dans cette œuvre et je crois que l'Assemblée Générale, c'est pour encore qu'on puisse entendre tout ce qui se fait, voir ce qui doit être amélioré et continuer à mieux faire. Je voudrais nous encourager à cela. Que le Seigneur nous donne de nous rappeler. Oui, je sais que c'est l'heure. De nous rappeler, il n'y a pas de problème. De nous rappeler que, effectivement, il faut que nous puissions nous entendre ensemble. La montre ne fonctionne pas. Ah, ça, donc vous m'avez eu. Ok. Donc, il n'y a pas de problème. Je vous encourage réellement à vous engager et à le faire. Parce que nous ne sommes pas dans le champ de quelqu'un, nous sommes dans le champ du Seigneur. Et tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur. Prions ensemble chacun pour lui-même. Que Dieu nous donne cette capacité et surtout cette sagesse de pouvoir le faire. Prions chacun pour lui-même. Père, nous voulons te dire merci. Te bénissons pour ta grâce et ton amour. Nous voulons t'être reconnaissants parce que tu es notre Dieu. Merci. Viens, aide-nous dans tout ce que nous faisons. Oui, cet exemple, nous voyons combien ces gens, de façon collégiale, ont pu mener à bien, Seigneur, leur mission jusqu'au bout, jusqu'au succès. Nous voulons aussi réussir. Et en tant que communauté, je te prie pour chacun de nous. Que tu aides chacun à pouvoir réellement s'engager et à faire le travail comme il se doit. Parce que toi, tu es le vrai Dieu. Merci, Papa. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bien, nous avons la Sainte Seine. Nous allons continuer. Je vais demander à...